la folie, le nouveau management des institutions psychiatriques. Je remercie beaucoup, en notre nom à tous, nos orateurs du jour, Lauriane Brunceau, Mathieu Bellassène, Richard Reichmann, qui parleront dans cet ordre, et que je vais présenter très brièvement. Ils ont au moins un point commun, outre le fait d'être ici, ce qui est évidemment plein de sens, c'est d'être tous les trois psychiatres. Trois psychiatres qui sont engagés dans des pratiques dont ils vont nous parler, et je voudrais simplement les présenter dans les termes mêmes où ils ont souhaité figurer sur notre programme, c'est-à-dire en référence à certains de leurs engagements. Lauriane comme Mathieu sont l'un et l'autre membres du bureau, peut-être même président, vice-président, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'organise chez vous, membres du bureau en tout cas d'une association qui s'appelle Utopsie, et qui propose un séminaire ouvert à tous, créé par des internes, de façon à offrir un espace d'échange sur les pratiques cliniques, le transfert, la place de la folie dans les institutions de soins. L'un comme l'autre, donc, sont psychiatres, je viens de le dire, ils ont passé leur thèse récemment, Mathieu, en octobre dernier, avec une thèse qui avait pour titre « De la folie », ce qui, évidemment, ne manque pas de panache. c'est pas la bonne. C'était la santé mentale et l'épreuve de la folie et santé mentale dans le mot des politiques publiques de santé mentale. On y reviendra tout à l'heure. Très bien. Une soutenance à Paris 5 qui ressemblait à la fois à une réunion de famille par certains traits et à un meeting par d'autres. Je dois avouer que j'ai été assez impressionné par une cérémonie comme nous n'en connaissons plus. Ils sont aussi, l'un comme l'autre, engagés dans l'appel des 39 contre la nuit sécuritaire. Le 2 décembre 2008, notre président de la République, dans une enceinte psychiatrique hospitalière à Châtenay-Malabry, à l'occasion d'un crime qui avait été commis, en effet, dans un hôpital. Excusez-moi, je mélange tout. Enfin, c'est pas si loin que ça. a décliné le programme d'une psychiatrie répressive qui a déclenché dans le monde des soignants, dans sa diversité, une réaction très forte qui a pris la forme de l'appel des 39, qui était d'abord l'appel à signer une pétition qui, à ce jour, je suis allé sur le site tout à l'heure, a réuni plus de 29 000 signatures. Et depuis, l'appel des 39 a organisé une série de rencontres qui amplifiaient une bataille qui se menait par ailleurs au Parlement, puisque la loi funeste qui devait sortir du programme Sarkozy était en discussion tout récemment encore à l'Assemblée et au Sénat. Richard, quant à lui, alors il a deux casquettes, il est anthropologue à l'École des hautes études, directeur d'études, et puis anthropologue des subjectivités, anthropologue de la psychiatrie contemporaine, c'est le titre de sa direction d'études, et puis d'autre part, psychiatre des hôpitaux et praticien donc au centre Philippe Pommel, qui appartient à l'association de santé mentale dans le 13e arrondissement, une institution importante, je crois, dans l'histoire de la psychiatrie française, de la psychiatrie humaine française, fondée en 1958 par Pommel, Lebovici et Diatkine, et où on continue à travailler dans cette perspective. C'est aussi dans cette institution que s'est élaborée la politique dite de secteur qui s'est imposée ensuite à l'ensemble du domaine. Voilà. Il est en outre, je crois, rédacteur en chef de l'Évolution psychiatrique, une grande revue, bien entendu, de la discipline. Alors, je ne vais pas garder la parole trop longtemps, mais je voudrais quand même justifier en quelques mots les raisons pour lesquelles nous avons cette séance aujourd'hui. Bon, la raison principale, c'est que la folie nous concerne tous, à divers titres. Elle concerne, je crois, chacun d'entre nous, tout simplement. Et puis aussi, collectivement, en tant que citoyen, on peut dire, je crois, sans risque de se tromper, qu'une société se juge aussi à la façon dont elle traite ses fous. Et c'est la raison pour laquelle la folie et son traitement sont une question éminemment politique. Le thème de ce soir nous concerne aussi universitaires et chercheurs pour une autre raison. Eh bien, c'est que les psychiatres ou les soignants qui veulent laisser parler les fous et les chercheurs et les universitaires qui veulent laisser travailler la science ont au moins quelque chose de commun, c'est qu'ils ont les mêmes ennemis. Excusez-moi ce vocabulaire un peu militaire. C'est quand même une coïncidence intéressante que l'appel des 39 soit né à la suite d'un discours du président de la République d'une violence extrême, et que le mouvement universitaire de 2009 soit né, eux, pas seulement pour cette raison, mais a été déclenchée par un discours de même nature, dont vous vous souvenez bien entendu, et auquel l'ancienne présidente de l'école des hautes études a assisté sans me dire. Mais si on écarte les voiles de la scène politique, qui compte, mais qui n'est que ça, on découvre vite, et c'est vraiment l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, qu'il y a autre chose que la politique qui prétend transformer nos pratiques. Il y a un mouvement plus large, plus puissant, plus ancré aussi dans nos professions respectives, qui veut imposer une autre façon de faire, et des façons de faire qui, je crois, pour la plupart d'entre nous, paraissent inadmissibles. Et je crois que, au fond, ce que l'université connaît depuis 2007, l'hôpital et la psychiatrie en particulier l'ont connu bien avant. Et nous découvrons à notre dépens à quel point nous nous retrouvons dans le même bateau. Donc c'est cette communauté de situation, je crois, qui rend pertinent que nous agissions ensemble et aussi que nous réfléchissions ensemble, ce qui est le but de ce séminaire. Et je voudrais simplement indiquer deux thèmes sur lesquels je pense que la discussion pourra, entre autres, porter. L'imposition de ces formes de management à nos domaines d'activité respectives se fait dans la violence, dans l'imposition, mais pas seulement. Elle implique qu'un certain nombre, j'allais dire, d'entre nous, parmi les soignants, parmi les chercheurs, marchent dans la combine et éventuellement contribuent à la promouvoir. C'est une immense question dont je pense que nous aurons à parler tout à l'heure. Deuxième point de rencontre, c'est plus compliqué encore. Cette question que je viens de poser est très compliquée, me semble-t-il. Mais la suivante, elle est plus encore, c'est qu'il y a peut-être quelque chose comme une syntonie, un accord entre une certaine façon de nous imposer la direction managériale de nos institutions et certaines pratiques qui sont des pratiques de recherche ou des pratiques de soins. Il y a un rapport entre les deux. En d'autres termes, le nouveau management public n'est pas innocent du point de vue des contenus même de nos pratiques. Bon, c'est un peu la demande que j'ai faite à nos trois orateurs ce soir que de nous parler notamment de ça. Comment est-ce que ça change la façon de faire les soins? Et je crois que c'est une question qui se pose aussi aux scientifiques. Comment est-ce que ça change notre façon de faire de la science et de faire de l'enseignement? On rencontrera peut-être au coin du bois quelque chose de commun qu'on pourrait appeler les sciences cognitives, mais ça, je ne veux pas anticiper.